السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وعلى. On continue ce qu'il a dit Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahu Allah, dans son explication de Nawaqid al-Islam. Il y a Dars al-Thamin fi Sharh al-Naqid al-Sabi'. قال الشيخ رحمه الله الناقد السابع السحر منه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر. دليل قوله تعالى ويعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الشيخ محمد بن عبد الوهاب يجي كان الفاس من زيقاد que le septième annuatif c'est السحر et c'est la sorcellerie et ce qui est correct c'est la sorcellerie pas la magie la sorcellerie ومنه الصرف والعطف il a cité deux types de sorcellerie As-sorfonat, qu'on expliquera après. Il y a celui qui la pratique ou l'agré est un mécréant. Et la preuve, c'est le verset. Et ces deux-là n'apprennent rien ou n'enseignent rien à personne qui n'ait dit d'abord nous ne sommes qu'une tentation, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant, ne sois pas mécréant. الشرح الشيخ فوزان الذي السحر في اللغة عبارة عن الشيء الخفي لهذا يقول العلماء السحر ما خفي ولا طاف سببه. Cheikh Fawzan a dit que As-Sihr dans la langue arabe, à la base du sens étymologique du mot Sihr, c'est ce qui est subtil et caché. Ce qui est subtil et caché. C'est pour ça qu'ils disent que As-Sihr, c'est toute chose qui est cachée et dont la cause est subtile. La cause est subtile et difficilement perceptible. Yominhu As-Sahar, avec un fatha, Sahar, ou Akhir al-Layl, yana nahara yazhar khafiyan. في أوله مغمورا بظلام الليل ثم يظهر شيئا فشيئا حتى يصفر وسمي سحرا لخفائه. La même base, il y a le mot sahar qui signifie le moment juste avant l'aube, le moment juste avant l'aube. Pourquoi? Parce que la journée apparaît de façon cachée et petit à petit, et au début c'est recouvert par les ténèbres de la nuit, c'est recouvert par les ténèbres de la nuit, et ça ensuite ça apparaît de plus en plus jusqu'à ce que ça soit clair, comme elle a dit Moussoubhi l'asfar, ça éclaircit tout. C'est pour ça qu'on a appelé ça As-Sahar, cette heure là s'appelle As-Sahar, et ça vient de la même base que As-Sihr qui est ce qui est caché et subtil. Et As-Sihr fi shar'i yanqasim ila qismayn haqiqiyun wa takhyiliyun. Ensuite, il a dit que le sihr, la sorcellerie, dans les situations de la religion, c'est divisé en deux catégories. La première catégorie, c'est la sorcellerie réelle. Sorcellerie qui est réelle. Et la deuxième catégorie, c'est la sorcellerie qui est illusoire. Illusoire, c'est juste avec le visuel. Et ensuite, il va expliquer le cher. D'ailleurs, le haqiqiyun minhu, ibaratun an amalin yu'athiru fil abdani. أو في القلوب ويؤثر في الأبدان بالمرض وبالموت أو بالموت ويؤثر في الفكر بأن يخيل إلى الإنسان أنه فعل شيئا وهو لم يفعله. Il a dit que la sorcellerie qui est réelle, c'est le fait de faire une action qui influence sur le corps ou sur le cœur, ou qui influence sur le corps avec la maladie ou par la mort, par le biais de la maladie ou par le biais de la mort, de même que elle influence sur la réflexion de la personne et sur sa pensée, de sorte à ce qu'elle pense avoir fait une chose qu'elle n'a pas fait. أو يؤثر في القلوب في القلب فيورث به كراهة أو محبة غير طبيعيين. فهذا هو الصرف والعطف بأن يعطف الإنسان ويحدث فيه محبة غير عادية لبعض الأشياء أو بعض الأشخاص. أو يكرهه إلى هذا الشيء أو يبغضه إليه كان يفرق بين المرء وزوجه أو يحبب أحدهما للآخر ويسمى بالتوالى. نعم نجي que ou sinon ça peut être une action qui influence sur le cœur de sorte à ce que ça fait que le cœur déteste une chose ou qu'elle aime une chose d'un amour ou d'un dégoût qui n'est pas naturel, qui ne sont pas naturels. Et ça, c'est ce qu'on appelle as-sarf ou al-'atf. As-sarf, c'est le fait de détacher ou d'écarter deux personnes qui s'aiment les unes de l'autre. Et al-'atf, c'est le contraire, d'attacher deux personnes et de faire qu'ils s'aiment d'un amour fou qui fait qu'ils deviennent inséparables. Et ça, ils font beaucoup ça dans les mariages. Quand ils veulent séparer les gens, ils font le sarf. Et quand ils veulent faire l'inverse et faire que deux personnes se marient, même s'ils ne s'aiment pas, ils font le atf, qui est le contraire, qui fait que Après, les personnes seront inséparables et ne pourront pas se passer les unes des autres ou l'une de l'autre. Il dit, comme le fait qu'on attache une personne, ce qu'il a dit là, et qu'il y a un lien en face, que la personne elle est un amour qui n'est pas normal, un amour qui n'est pas normal, un amour dépassé, délimité pour certaines choses ou pour certaines personnes. Ou l'inverse, faire qu'une personne déteste une chose ou une personne, comme le fait de diviser entre l'homme et la femme. Faire que l'homme déteste sa femme au point où il la divorce ou l'inverse. Ou, comme il a dit, cher, de faire que l'un aime l'autre d'un amour démesuré et délimité. Ça s'appelle le tiwala. Ça s'appelle le tiwala. Il m'a dit, وَتَخِيِّلِي بِأَنْ وَمَا يُؤَثِّرُ فِي الْأَبْصَارِ وَالْأَنْظَارِ فَتَرَى الشَّيْءَ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ. التخيلي, la sorcellerie qui est illusoire, ça c'est une action qui influence sur le visuel et sur le regard, de sorte à ce que la personne voit une chose contrairement à ce qu'elle est en réalité. Et فمن النوع الأول ما جاء في سورة الفلق قال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر من خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد. Le cheikh a dit que parmi la première catégorie, il y a ce qui a été rapporté dans Sourate Al-Falaq, qui est connu. Dans le Coran, Allah a dit, son attraction rapprochée, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité lorsqu'elle s'approfondit, et contre le mal de celles qui souffrent les sorcières sur les nœuds. Ensuite, il a dit, cher Fazan, il dit, هذا هو السحر الحقيقي والنفاثات جمع نافثة. Et ça, c'est la sorcellerie qui est réelle. Et nafathat, le pluriel du mot nafatha. Nafatha, qui signifie les femmes qui font des nœuds, ensuite qui souffrent sur les nœuds. Pourquoi ? Parce que, en général, ce sont les femmes qui font ça, qui font de la sorcellerie. Mais ça veut dire que ça englobe aussi les hommes. Peu importe que ce soit les hommes et les femmes, c'est pareil. Mais là, pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Parce que, en général, ce sont des femmes qui font ça. Et d'autres, ça veut dire que. C'est parce que la cause du verset, c'était les filles de l'Abid ibn al-Assam. L'Abid ibn al-Assam, qui est le juif qui a ensorcelé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ses filles qui faisaient des nœuds et qui soufflaient sur les nœuds. Comme il a dit Ibn Jawzi dans son tafsir. Il dit, « وَتَقْسِدْ بِدَالِكَ الْإِدْرَارَ بِالْمَسْحُورِ مِنْهُ مَا حَصَلَ لِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم لما سحره الْأَبِيدِ بن الْعَصَمْ الْيَهُودِي صَرَى يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنُّهُ فَعَلَ الشَّيْءِ أن فعل الشيء وهو لم يفعله فتأثر بالسحر لأن الأنبياء بشر يعرض لهم ما يعرض للبشر هذا نوع من الأمراض فيمرضون ويصيبهم ما يصيب البشر من ذلك السحر لأنه مرض. نعم. Il a dit que ça c'est comme on a dit le fait que la personne souffre sur les nœuds. Et même dans le hadith, le prophète a dit que celui qui fait un nœud ensuite qui fait du, qui souffle dessous, celui qui fait un nœud ensuite qui souffle dessus, a fait du sihr. Il dit zad amazad. Tant qu'il souffle, eh bien, il aura rajouté de la sorcellerie. Et Cheikh a dit que cette catégorie-là de sihr, ça rentre dans ce qui a été fait au prophète sallam lorsque on lui a fait de la sorcellerie. C'est un juif, l'Abid ibn al-Assam, qui lui a fait de la sorcellerie. Et il avait l'impression d'avoir fait une chose qu'il n'avait pas fait. Il a été touché par la sorcellerie. Pourquoi ? Parce que les prophètes, ce sont des hommes, des humains. Et ce qui arrive aux humains, ça leur arrive comme la maladie. Et que ça, c'est une sorte, un type de maladie. Donc, ils tombent malades et ils sont touchés par ce par quoi les hommes sont touchés. Parmi quoi ? La sorcellerie. Il a dit, « فأرسل الله إليه صلى الله عليه وسلم على كيني يرقيانه يرقيانه » بهذه السورة يركيني بهذه السورة فوقف عنده فقال أحدهما ما شأن الرجل قال الآخر مطبوب يعني مسحور قال من تبه قال أي من سحره قال لبيد بن عصم في مشاط ومشاطة في جف طلعة في بئر ذروان فرقاه جبريل عليه السلام بهذه السورة قل أعوذ برب الفلق فقام كأنما نشط من عقال نعم فذهب عنه السحر. نعم. Il a dit que quand le prophète صلى الله عليه وسلم a été ensorcelé, Allah عز وجل l'a envoyé deux anges pour lui faire les ruqya avec cette sourate, la sourate Falaq. C'est pour ça que les savants disent que ces deux sourates-là, sourate Falaq et sourate Nas, ils ont été révélés pour ça et que les deux sourates réunies, ça fait 11 versets. Les deux sourates réunies, soit Falaq, soit An-Nas, ça fait 11 versets. Pourquoi? Parce que les personnes qui avaient fait le serr, ils ont fait 11 nœuds. 11 nœuds. Donc chaque verset qui était récité, ça défaisait un nœud. Donc les deux anges ont été envoyés pour faire de la ruqya au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec cette sourate. Ils sont tous les deux mis au niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa tête, et ils lui ont dit, l'un des anges a dit à l'autre, qu'est-ce qu'il a cet homme-là, qu'est-ce qui lui est arrivé. L'autre a dit, matboub, yani il a été ensorcelé, mashur. Il a dit, man tabbahu. L'autre il a répondu, qu'est-ce qu'il a fait du sihr, qu'est-ce qu'il a fait de la sorcellerie. Il a dit, l'abid ibn al-Assam. L'autre a répondu, l'abid ibn al-Assam, le juif, et il a fait ça avec des traces de cheveux, yani des restes de cheveux, mouchat ou mouchata, ça c'est ce qui reste des cheveux lorsque la personne se peigne les cheveux. Lorsque la personne se peigne les cheveux et que certains de ses cheveux restent, on appelle ça mouchat ou mouchata. Et ça, ils ont utilisé ça, ils ont mis ça dans la base d'un tronc de palmier dans un puits qui s'appelle Darwan. Dans un puits qui s'appelle Darwan. Ensuite, le cheikh a dit Faraqahu Jibril alayhi salam, bihadi sura, kulmullah. Ensuite, Jibril est descendu et il a fait la ruqya avec cette sourate, soit Al-Falaq. Faqama sallallahu alayhi wa sallam, ka'annama nushita min iqal. Et il s'est levé ensuite comme s'il avait été délivré. Fadhaba anhu as-sihr. Et la sorcellerie est partie et il a été guéri. Thumma amara rijalan an yadhabu ila hadhihi al-bi'r. Fadhahabu fastakhraju minha as-sihra wa atlafuhu. وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نقتله؟ قال صلى الله عليه وسلم أما الله فقد شفاني ولا أحب أن أفتح على الناس شرا. فتركه صلى الله عليه وسلم درءا للفتنة. Ensuite, quand il a été guéri, il a dit aux gens de certaines personnes d'aller à ce puits et de sortir ce qui était comme sihr, comme une sorcellerie, et ils l'ont sorti, ils l'ont détruit. Ensuite, ils lui ont dit صلى الله عليه وسلم est-ce que on ne devrait pas le tuer, est-ce qu'on ne devrait pas le tuer à cette personne-là? Il a dit, quant à moi, Allah m'a guéri, alhamdoulilah, et je n'aime pas ouvrir la porte de mal, une porte de mal sur les gens, yani causer du mal ou du tort aux gens. Il a dit, il a délaissé le fait de le tuer pour éviter la fitna, فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ مُسْتَحِقُّونَ لِلْقَتْلِ يَنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم لم يقول لا يجوز قتلهم فدل على انه مستحق للقتل لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يجوز قتلهم. Yani, ça c'est la preuve que les sorciers, ces types de personnes-là, méritent d'être tués. Pourquoi? Parce que le prophète صلى الله عليه وسلم, quand ça lui est arrivé, il n'a pas dit que c'est pas permis de le tuer. Il n'a pas dit que ce n'est pas permis de le tuer. أو لا يستحق القتل إنما قال لا أحب أن أفتح على الناس شرا. Il n'a pas dit que c'est pas permis de le tuer ou qu'il ne mérite pas d'être tué. Il a juste dit qu'il n'aime pas créer des fitnas ou causer du tort aux gens. Il y a des fitnas. Il y a des Yahouda, Il a dit que ce qu'il voulait dire par ça, c'est qu'il ne voulait pas faire de fitna avec les juifs, parce que celui qui avait la sorcellerie, c'était un juif, l'abid ibn al-Assam, et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait des pactes avec les juifs. Ils avaient des pactes, c'est-à-dire qu'ils avaient fait des ententes comme quoi ils ne devaient pas le combattre, et ils ne devaient pas non plus le combattre à eux, et ils ne devaient pas non plus aider les gens qui le combattaient. Donc, pour éviter toute fitna et tout problème avec les juifs, il ne l'a pas tué. Il a dit que si jamais il l'avait tué, c'est possible que ça aurait causé des fitnas et du mal. Et le cheikh a dit qu'il n'y a pas de doute que le fait d'éviter les maux, c'est primordial et ça passe devant le fait d'attirer les intérêts et différents bienfaits. Donc il a délaissé ça. Pourquoi? Parce que le but, c'était qu'il soit guéri et il a été guéri. Donc ça fait partie de la première catégorie qui est la sorcellerie réelle, al-haqiqi. Il dit, أما السحر التخييلي فهو السحر الأعيان فهو من جنس ما فعله فرعون مع موسى عليه السلام لما جمع السحرة ليقابلوا موسى والمعجزات التي معه، فعملوا السحر تخييلا. لهذا قال جل وعلا: فلما ألقوا السحر أعين الناس، ما قال السحر أو سحر الناس، بل قال سحر أعين الناس. وقال تعالى: واسترهبوهم وجاءوا بالسحر عظيم، وجاءوا بالسحر عظيم. يقول الشيخ deuxième type de sorcellerie c'est la sorcellerie illusoire. Et ça, on peut dire que c'est un peu de la magie, on peut dire que c'est un peu dans la magie, mais c'est sûr que c'est plus correct de dire le sihr que c'est la sorcellerie de façon générale. Par contre, ce type-là, ça rentre un peu dans la magie. Il a dit que c'est le fait de faire des tours de magie, et ça fait partie de ce que les sorciers ont fait à l'époque de Pharaon, lorsqu'il a réuni les sorciers, et qu'ils ont voulu combattre et contrer les miracles de Moussa alayhi salam. Ils ont fait de la sorcellerie. Et Pharaon, il les a réunis. Et là, il a dit à Zawjal, فَلَمَّا أَلْقَوْا السَّحَرُ أَعْيُنَ النَّاسِ. Il a dit que lorsqu'ils eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens. Ils les épouvantèrent. Le cheikh a dit que là, Allah l'a bien dit à Zawjal, سَحَرُ أَعْيُنَ النَّاسِ. Il n'a pas dit qu'ils ont fait de la sorcellerie par rapport aux gens, mais il a dit par rapport à leurs yeux. Ils ensorcelèrent les yeux des gens. Ceci, ce sont les yeux qui ont été ensorcelés et pas les gens. Ensuite, il a dit, et ils vinrent avec une puissante magie. Ils vinrent avec une puissante magie, il y a un lit de sorcellerie. Ensuite, le cheikh, il a dit, « قال سبحانه وتعالى في سورة طه فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. » Dans notre sourate, dans sourate طه, il a dit, « Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui paraissent rampés par l'effet de la magie, par l'effet de leur magie. » La sorcellerie. Et il yukhayalu ila Moussa min sihrim anna al-asa wal-hibala tas'a wa tataharrak wa tamshi wa hiya fil haqiqati la tataharrak wa la tamshi min dhatiha bal yuharrikuha ma wada'a fiha ma wudi'a fiha min zibaq kama fil ayat al-ukhra sahru a'yun al-nas. Hada al-sihr al-takhyili laysa lahu haqiqa bi mujarrad an yadhhab ta'ud al-ashya' ila haqiqatiha. Naam, il a dit que ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont fait un tour de magie, comme ils disent. Et ça a donné l'impression à Moussa et Salam que les bâtons et leurs cordes bougeaient et marchaient, alors qu'en réalité, elles ne bougeaient pas, elles ne marchaient pas. Et ce qui s'est passé, c'est juste que ce qu'ils y ont mis comme mercure, c'est ça qui bougeait. Ils ont mis du mercure, comme dit Cheikh Zébak. Zébak, c'est le mercure. Yani, c'est un métal qui est vif, comme de l'argent. Et c'est ça, en fait, qui bougeait, qui donnait un effet qui faisait penser aux gens que les bâtons et les fils et les cordes bougeaient, alors qu'en vrai ils ne bougeaient pas et ils ne marchaient pas. Non. Il a dit comme encore le fait, c'est-à-dire qu'ils ont trompé les yeux des gens. Ils ont trompé les yeux des gens et ils ont ensorcelé leurs yeux. Et ça, comme les cherche, c'est un sihr takhyili, c'est illusoire, c'est juste visuel, ça n'a pas de réalité. Et lorsque ça part, eh bien, la chose revient directement à son état de base. Dès que le mercure là il disparaît, ça redevient de base des fils et des cordes comme c'était à la base. Il a dit وَلِهَذَا يَأْتِ السَّاحِرُ إِلَى بَعْدِ النَّاسِ فَيَأْتِ بِحَشَرَاتٍ أَوْ جَعْلَانٍ أَوْ خَنَافِسٍ فَيُلْقِي عَلَيْهَا السِّحْرَ فَتُصْبِحُ كَأَنَّهَا غَنَمٌ ثُمَّ بَعْدَ قَلِيلٍ تَعُودُ إِلَى طَبِيعَتِهَا. Il a dit que c'est pour ça que certains parmi les sorciers, ils vont voir des gens, ils prennent des insectes. Différents types d'insectes comme les yéchers, les djoulan, qui sont comme des scarabées volants, ou des khanafis, et d'autres types d'insectes différents, et ils jettent sur ces insectes-là une sorcellerie, de la magie, et elle devient comme si c'était des animaux ou des moutons. Et ensuite, ça redevient comme c'était à la base. À sa nature de base. Ensuite, dit le cheikh, منهم يعمله الناشلون والمحتالون فيأتون إلى بعض الناس بأوراق عادية فيدعون لها القمر فيظنونها نقودا ويأخذون في مقابلها أموالا أو صرافة نقودا بنقود ثم إذا ذهب الساحر عادت هذه الأشياء إلى حقيقتها. أوراقا لا قيمة لها. هذا الشيء معروف يقع كثيرا على أيدي الناشدين والمحتالين الذين يأخذون مال الناس بالباطل. D'autres personnes aussi, parmi ceux qui trichent, ceux qui volent les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des feuilles de base qui n'ont aucune valeur et ils mettent certaines choses dessus et ils font un tour de magie, comme ils disent, ou de sorcellerie, et qui donnent l'impression que ce sont des billets d'argent. Ils font penser aux gens que ce sont de l'argent. Ensuite, ils prennent en retour de l'argent contre cet argent-là. Ils échangent les billets fabriqués, les faux billets qu'ils ont soi-disant fabriqués avec leur sorcellerie. Ils échangent ça contre des vrais billets. Ensuite, quand ils ont pris les vrais billets, eh bien, ils partent et ils laissent les faux billets là avec les gens. Une fois que le sahib, le sorcier est parti, eh bien, ces choses-là redeviennent de base des feuilles qui n'ont aucune valeur. Ça, c'est connu et ça arrive beaucoup chez les charlatans et chez les sorciers pour arnaquer les gens et pour leur prendre leur argent. Ensuite, le Cheikh Lajih, Allah, فالسحر بنوعيه قديم في البشرية ذكره الله تعالى في قوم فرعون وأن السحرة كانوا عند فرعون وفي رعيته يحترفون السحر فلما جاء موسى عليه السلام برسالة ربه ومعه المعجزات التي تدل على صدقه وهي العصا التي تنقلب إلى حية ويده أو يده يدخلها في جيبه عليه السلام فتخرج بيضاء من غير آفة أو برص. هذه معجزات من عند الله لا صنع للبشر فيها، لأن المعجزات التي من عند الله لا دخل للبشر فيها، ولا يستطيع بنو إنسان أن يأتوا بمثلها لأنها من عند الله جل وعلا، والنبي لا يقدر أن يعمل المعجزة، إنما هي من عند الله عز وجل وهو الذي يجعلها على يد نبيه ورسوله تصديقا له. قال تعالى قالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله. Le Cheikh a dit que le sihr, la sorcellerie de ces deux types, comme on a dit là, le premier type la sorcellerie, le deuxième type la magie, comme ils disent, c'est ancien dans l'humanité depuis longtemps. La preuve, c'est que ça a été cité dans l'histoire de Moussa alayhi salam avec Pharaon et que les sorciers, ils étaient auprès de Pharaon. Ils étaient connus pour ça. À leur époque, ils étaient connus pour être des sorciers performants. Et qu'ils étaient aussi dans son peuple. Et ils prenaient le sihr, la sorcellerie, comme fonction, comme métier. Et lorsque Moussa alayhi salam, il est venu avec son message et ses miracles qui prouvaient sa véracité, qui sont le bâton qui se transformait en serpent et sa main qui devenait blanche lorsqu'il est rentré dans son... Dans sa poche, sans maladie et sans lèpre. Et ça, c'était un miracle venant d'Allah et pas de la sorcellerie. Donc, Pharaon, il a voulu contrer ça et contredire ce miracle-là. Et le Cheikh a dit que les miracles, les mu'jizat venant des prophètes, ou plutôt les mu'jizat des prophètes, les miracles des prophètes, ça vient pas des hommes, ça vient d'Allah Azzawajal. Ça vient pas des hommes, ça vient d'Allah Azzawajal et que personne ne peut ramener miracle comme ça de soi-même. Les prophètes, même s'ils sont des prophètes, ils ne peuvent pas faire du miracle comme ça venant de eux. Ça vient d'Allah Azza wa Jal. Et c'est lui qui met le miracle à la portée du prophète ou du messager pour rendre véridique ce qu'il dit. Comme il dit dans le verset, et il dit pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des prodiges de la part de son Seigneur? Dit les prodiges sont auprès d'Allah. Il dit فالرسول لا يستطيع يأتي بآيات إلا يأتي بما يعطيه الله من المعجزات. Il dit ainsi le prophète il peut pas ramener de miracle si ce n'est ce qu'Allah lui donne comme miracle. Il dit أما السحر فإنه عمل بشري وصناعة يتعلمها الناس ويتقنونها وهي من عمل الشياطين الإنس والجن ليست معجزات إنما هي خوارق شيطانية يستطيع الإنسان أن يصنعها أو يتعلمها أما المعجزة فلا يقدر أحد على إيجادها إلا الله. قالوا لولا أنزل آيات من ربي قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. نعم. Il a dit que la sorcellerie, par contre, ça, c'est une action humaine. C'est quelque chose que l'homme fabrique lui-même et qu'il étudie et qu'il perfecte, qu'il y apprend jusqu'à être à la perfection. Il a dit que ça fait partie des actions des shayatin, des diables humains et djinns. Ça ne fait pas partie des miracles. Ça ne fait pas partie des miracles. Et ce sont des miracles des shayatin, si on peut dire comme ça. Des miracles des shayatin que l'homme peut fabriquer et étudier. Par contre, les miracles, les vrais miracles, c'est la personne qui peut les créer, si ce n'est Allah Azzawajal. Comme il dit dans le verset, il dit pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui les prodiges de la part de son Seigneur. Il dit les prodiges sont auprès d'Allah et moi je ne suis qu'un avertisseur bien clair. Ensuite, le Cheikh a dit فالآيات من عند الله جل وعلا فما هي باستطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي بها أو يعملها أما السحر فهو باستطاعة المخلوق أنه يتعلمه ويصنعه والمعجزة حق والسحر باطل. فلهذا جاء موسى عليه السلام بالبينات والمعجزات قالوا فلهذا لما جاء موسى عليه السلام بالبينات والمعجزات قالوا هذا السحر وأنه ساحر وقال فرعون لنأتينك بالسحر مثله لنأتينك بالسحر مثله. الشيخ dit que les versets ou plutôt les miracles sont des miracles d'Allah qui viennent d'Allah Azza wa Jal, et les prophètes n'ont pas la capacité ni la possibilité de les ramener ou de les créer. Par contre, la sorcellerie, le sihr, ça c'est dans la capacité de l'homme de l'étudier et de les fabriquer. Il a dit que les miracles sont quelque chose de réel, alors que le sihr c'est quelque chose de caduque et de faux. C'est pour ça que quand Moussa alayhi salam est venu avec les preuves claires et les miracles, ils ont dit que c'est de la sorcellerie et que c'est un sorcier. Pharaon il a dit on va te ramener de la sorcellerie équivalente à celle que tu as ramenée. Ensuite, le Cheikh a dit فجمعوا السحرة لمقابلة موسى وتواعدوا يوما واجتمع الناس ليشاهدوا ما يقع بين السحرة وموسى هل السحرة يغلبون موسى أو موسى يغلب السحرة وهذا من تيسير الله لظهور الحق من نسوة النبي موسى عليه السلام فاجتمعوا فطلبوا من موسى أن يلقي أولا قال لهم ألقوا أنتم فألقوا ما معهم من السحر عظيم من سحر عظيم واسترهبوا الناس به من الحبال والعصي حتى إن موسى عليه السلام خاف فوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى ولك ما في يمينك Il a dit que ensuite, Pharaon il a réuni les Sahara, les sorciers, et ça m'a dit qu'il y avait plus de centaines de sorciers pour contrer Moussa et Salam et pour faire une rencontre ou un affrontement. Et ils ont donné un rendez-vous, ils se sont mis d'accord sur un moment. Et ils se sont alors réunis pour que les gens aussi attestent et participent à cette rencontre-là et voient ce qui se passe entre Moussa et les sorciers. Est-ce que c'est les sorciers qui vont gagner ou est-ce que c'est Moussa qui va gagner? Et le Cheikh a dit que ça, c'est une facilité d'Allah Azzawajal qui a facilité pour Moussa pour que la vérité soit clarifiée et que Moussa et Salam soient secourus. Donc ils sont alors réunis et lorsqu'ils sont réunis, ils ont dit à Moussa de commencer par jeter lui son sort. Et il a dit non, jetez-vous d'abord et ils ont jeté leur sort. Ils ont jeté ce qu'ils avaient comme sihr, comme sorcellerie immense, ils ont effrayé les gens avec des cordes et des bâtons, jusqu'à au point où Moussa alayhi salam lui-même il a eu peur, il a ressenti de la peur, comme il a dit dans le verset Moussa ressentit quelque peur en lui, nous lui dîmes n'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus et jette ce qui est dans ta main droite, cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. Ensuite le Cheikh a dit فَأَلْقَى الْعَصَى الَّتِي كانت بيده فكانت ثعبانا عظيما أرهبهم والتهم كل السحر الذي وضعوه في الوادي. Ensuite Moussa alayhi salam il a jeté le bâton qu'il avait et s'est transformé en un serpent immense, un serpent ثعبان, c'est un serpent qui est immense, et ça les a effrayés et ça a englouti et ça a détruit tout ce qu'ils avaient fait comme sorcellerie et qu'ils avaient jeté dans la vallée. خافوا على أنفسهم أن يلتهمهم الثعبان ثم إن موسى عليه السلام أمسكها فعادت عصا كما كانت. Et au point où ils ont eu peur même que le serpent les engloutit, ça eux aussi les sorciers, et après Moussa alayhi salam il a rattrapé et c'est redevenu comme c'était un bâton à la base. فعند ذلك علم السحرة أن الذي مع موسى ليس من السحر وعرفوا أن ليس أن هذا ليس من صنع البشر وأنما هو من عند الله فآمنوا وتابوا إلى الله وخروا ساجدين لله عز وجل فلك أستاذ الساجدين قالوا أمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Ensuite, les sorciers ont su, ils ont eu la science que ceux qui étaient avec Moussa, ce n'est pas une création humaine et que ce n'est pas de la sorcellerie, mais que ça vient d'Allah. Et ils ont eu la foi, et ils sont repentis, et sont prosternés. Ils sont prosternés tous, et ils ont cru en Allah, Azzawajal, ils ont eu la foi, comme l'a dit le verset, Azzawajal. Et les magiciens se jetèrent prosternés, et ils dirent, nous croyons au Seigneur de l'univers, Seigneur de Moussa et de Haroun. ففضح الله فرعون في هذا الموقف والمشهد العظيم فضح الله فرعون وقومه وأبطل ما معهم وظهرت المعجزة الربانية التي لا صنع للبشر فيها. Ensuite, le Cheikh a dit que Allah Azza wa Jalla il a humilié Pharaon et son peuple dans cet endroit-là et ce moment-là qui a été un dévoilement et une honte pour Pharaon et son peuple et ses suiveurs, et Allah il a annulé, il a avili ce qu'ils avaient, et le miracle d'Allah Azzawajal, il a pris le dessus, il a été extériorisé, et il a été révélé et montré aux gens. Il a dit, وعند ذلك تجبر فرعون وتكبر وعاند وتوعد السحرة بالبطش والجبروت لكن ثم ماذا قالوا فقد ما تقد إنما تقضي هذه الدنيا إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما كرهتنا عليه من السحر والله خير وبقى. Le Cheikh a dit qu'ensuite Pharaon, quand il a vu ça, ce miracle-là, il a fait preuve d'orgueil et d'obstinement, il a utilisé la force et a menacé les sorciers de les tuer et de les découper, et ensuite de les crucifier sur des troncs de palmiers. Mais malgré ça, les sorciers, ils n'ont pas eu peur. Ils ont dit, nous croyons en notre Seigneur, afin qu'il nous pardonne nos fautes, ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints. Ils ont dit, avant ça, décrète donc ce que tu as décrété. Tes décrets ne touchent que cette présente vie. Nous croyons en notre Seigneur, afin qu'il nous pardonne nos fautes, ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints. Et Allah est meilleur et éternel. Allah est meilleur. Meilleur et éternel. Ensuite, le Cheikh a dit donc, il les a menacés de les tuer, ensuite de les découper et de les crucifier sur des troncs de palmiers. Mais malgré ça, ils ont patienté, ils ont invoqué Allah, ils ont dit Rabbana afliq lana sabra tawaffana muslimin. Ils ont demandé à Allah qu'il déverse sur eux de l'endurance. On dit, ô Seigneur, déverse sur nous de l'endurance, de la patience, sabre, et fais qu'on meure entièrement soumis. Ensuite, Cheikh a dit, فَكَنَتَ الْعَقِبَةُ لِأَهْلِ الْإِمَانِ أَيْلِ نَبِيِّ اللَّهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَانْتَصَرَ الْحَقُّ وَبَطَّلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَتَبَيَّنَنَا الْمُعْجِزَاتِ الَّتِي مَعَ الْأَنْبِيَاءِ إنما هي من صنع الله لا يستطيع أحد من البشر كائنا من كان ولا من الملائكة أن يوجد شيئا منها وإنما هي من خلق الله وصنعه. Ensuite, la bonne fin, la fin heureuse a été pour les gens de la foi, pour Moussa alayhi salam et les croyants, et la vérité a été secourue et le faux a été avili et annulé. Et ce qu'ils ont fait, ça a été caduc, ça a été vain. Et ensuite, les gens ont compris, et ça a été clarifié, que les signes et les miracles qui sont avec les prophètes viennent d'Allah Azzawajal, et que personne ne peut le faire parmi les humains, ni parmi les anges. Personne ne peut ramener un miracle parmi les miracles d'Allah, ni les hommes, ni les anges. Et que ça fait partie de la création d'Allah et de ses actions. والفرق بين معجزات الأنبياء والسحر فدل على أن السحر قديم في البشرية من عهد فرعون كما ذكر الله في القرآن كما قد كان يكون من قبل كما قد كان يكون من قبل. Il a dit que ça, c'est la preuve, la différence entre les signes, les miracles d'Allah, les miracles des prophètes et la sorcellerie. Et il a dit que c'est aussi une preuve que la sorcellerie est ancienne de l'humanité depuis longtemps, depuis l'époque de Pharaon, et c'est possible même que ce soit avant. فلهذا في عهد سليمان عليه السلام ونبي ملك من أنبياء بني إسرائيل وملوكهم سخر الله له الجن والعفاريت والشياطين تعمل بأمره لأن الله أعطاه ملكا لم يعطه أحدا من العالمين لما سأل ربه وقال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. نعم إلى جي ك Ensuite, la sorcellerie est restée chez les Bani Israël. C'est pour ça qu'à l'époque de Suleyman, et c'est un prophète parmi les prophètes et parmi les rois des Bani Israël. Parce que les savants disent que c'est connu qu'après que Moussa et Salam soient morts, l'histoire des Bani Israël a été découpée en trois parties. La première partie, c'était des juges, comme les a divisés Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun, lorsqu'il a combattu et une victoire à Beit HaMakdis, il a divisé la terre en 12 parties, une partie pour chaque tribu, et il a mis des juges à chaque tribu, et un grand juge vers qui tout le monde revenait. Et ça, c'était la première période. Ensuite, deuxième période, c'était la période des rois. Et c'est à cette époque-là qu'ils ont demandé qu'ils voulaient avoir un roi, et le premier roi qu'il y a eu, c'était Talut. Talut, et après Talut, le deuxième roi, c'était Daoud alayhi salam, après Daoud, c'était Suleyman, son fils. Est-ce qu'il a dit là, le cher, que Suleyman, il fait partie des rois. Et après ça, après que le royaume, il est tombé, ils sont divisés en deux royaumes. Le royaume de Juda et le royaume de Israël. Et ça, c'est la troisième période. Donc, Suleyman fait partie des rois de Bani Israël et des prophètes aussi. Et là, il avait donné la puissance et le royaume sur terre. Il avait assujetti pour lui les djinns et les afarit, yani les djinns, les différents types de shayatines, et qui agissaient pour lui, faisaient des actions et construisaient pour lui. Donc, comme il a dit le cheikh, qu'Allah Azzawajal lui a donné un royaume qu'il n'a donné à personne parmi les gens de l'univers. Lorsque Suleyman a fait une dua, il a dit « Ô Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi n'aura de pareil. » Donc personne n'a eu un royaume comme celui qu'il a eu Suleyman. Et les shayatin a kull banna'in wa ghawwas akharin muqarranin fi al-asfad. Là, il y a le verset, de même que les diables, bâtisseurs et plongeurs de toutes sortes et d'autres encore accouplés dans des chaînes. يتصرف فيهم عليه السلام ويعملون له الأعمال الهائلة كما ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم لما مات سليمان عليه السلام جاءت الشياطين وقالت إن سليمان ما استطاع تسخير الجن الشياطين إلا بالسحر فهو يستخدم الجن والشياطين بالسحر الذي يعمله. افتروا على سليمان والله برأ سليمان عليه السلام من ذلك لأن السحر كفر ولا يليق بنبي الله سليمان أن يعمل الكفر. قال تعالى وتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. نعم ensuite le cheikh a dit que سليمان عليه السلام il avait la possibilité de agir avec les djinns et il travaillait pour lui, faisait des actions très importantes et immenses comme c'est dans le Coran qui construisait pour lui il y a beaucoup de choses et d'autres parmi les djinns plongés, et d'autres, ceux qui lui désobéissaient, il les enchaînait, comme c'est dans le verset. Il a dit que, ensuite, lorsque Suleyman est décédé, les shayatins, ils ont menti, ils ont dit que Suleyman, il n'a pas pu assujettir les djinns, si ce n'est avec la sorcellerie, avec le sihr, et qu'il utilisait les djinns et les shayatins par le biais de la sorcellerie qu'il faisait. Ils ont menti sur lui. En Azzawajal, il a innocenté Suleyman, par rapport à ça, dans le Coran, dans le Sourate Baqarah. Pourquoi? Parce que la sorcellerie, c'est de la mécréance. Ça ne convient pas qu'un prophète parmi les prophètes fasse de la mécréance. Il a dit dans le verset, « Otaba matatul shayatinu ala mulki Suleyman, wa ma kafara Suleymanu, lakinna shayatina kafaru. » Il a dit dans le verset, « Et ils suivent ce que les diables racontent contre le règne de Suleyman. » Jusqu'à 20 versets. Il a dit, hey, ma sahra Suleyman, fasamallahu sahra kufran. Il a dit que, c'est-à-dire que Suleyman n'a pas fait de sihr. c'est-à-dire de la sorcellerie. Ensuite, il a dit لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل الملكين وما أنزل الملكين ببابل هاروت وماروت ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Dans le verset de sourate Baqara, Allah Azza wa Jalla dit par rapport à Suleyman, et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Suleyman, alors que Suleyman n'a pas été mécréant, n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie, la sorcellerie, ainsi que ce qui a été descendu aux deux anges Harout et Marout à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne qui n'ait dit d'abord « Nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant ». Ils apprennent auprès d'eux ceux qui sèment la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très, très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savaient, si seulement ils le savaient. Non, ensuite, le Cheikh l'a dit, « في هذه الآيات بيان أن السحر هو من عمل الشياطين وأنه لا يليق بسليمان عليه السلام نبي الله وابن نبي الله لكن هذا من افتراءات اليهود التي ألقتها إليهم الشياطين فهذه الآيات تدل على أن السحر كفر لهذا استدل بها المصنف على أن السحر كفر وأنه من نواقض الإسلام وذلك في عدة مواضع هذا وذلك في عدة مواضع نعم الشيخ لا يكتب. Ces versets-là, c'est une preuve que la sorcellerie, ça fait partie des actions des djinns, des shayatins. C'est partie des actions des shayatins. Et que ça ne convient pas à Suleyman alayhi salam, qui est un prophète, et qui est aussi le fils d'un prophète. Qui est un prophète, le fils d'un prophète, Daoud alayhi salam. Et que c'est un mensonge parmi les mensonges des juifs, que les shayatins leur ont insufflé. Et il a dit que aussi, ça preuve que le sihr, la sorcellerie, c'est de la mécréance. C'est pour ça que le Moussanif, l'auteur, le cher Mohamed Ibn Al-Wahhab, il a pris ça comme preuve pour montrer que c'est un négatif parmi les négatifs de l'islam. Parce que c'est cité dans plusieurs endroits du verset. Premièrement, « Awalan qawluhu wa ma kafara Suleyman ay ma amina sihr yanna sihra kufrun la yaliqu bi nabiyillah » Il a dit dans le verset, premièrement, « Ma kafara Suleyman » alors que Suleyman n'a jamais été mécréant, c'est-à-dire qu'il n'a jamais fait de magie ni de sorcellerie, de sihr. Pourquoi? Parce que la sorcellerie, c'est de la mécréance, ça ne convient pas à un prophète, parmi les prophètes d'Allah. Thaniyan qawluhu, lakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr. Dalla 'ala anna ta'lim as-sihr kufrun, wa annahu min ta'alim ash-shayatin, aw min ta'lim ash-shayatin, wa annahu laysa min ta'alim al-anbiya 'alayhim as-salam. Deuxièmement, il a dit dans le verset, mais bien les diables qui ont mécru, ils enseignent aux gens la sorcellerie, le sihr. Et que c'est la preuve que le fait d'enseigner ou d'apprendre la sorcellerie, c'est de la mécréance. Et c'est partie de l'enseignement des shayatins. Et que ça ne fait pas partie des enseignements des prophètes, alayhim salam. Ensuite, il dit, Thalithan, qawluhu, ma yu'aliman min ahadin, ya'ni malakain, hatta yakula innama nahnu fitatun fala takfur. Ay, la tata'allam al-sihr, fatakfur. Faman ta'allam al-sihr, kafara. Troisièmement, il a dit que, dans le verset, il a dit, et que ces deux-là n'enseignent rien à personne, c'est-à-dire deux anges, qui n'aient dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. C'est-à-dire, n'apprends pas la sorcellerie, parce que sinon tu deviendras mécréant. Et celui qui apprend la sorcellerie devient mécréant. Rabi'an, qalu ta'ala, ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق إنما هذا في حق الكافر لأن الكافر ليس له نصيب في الآخرة أي الجنة فدل على أن السحر كفر يمنع من دخول الجنة. Quatrièmement, il a dit, ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà, c'est-à-dire que c'est un mécréant. Pourquoi? Parce que le mécréant n'aura aucune part dans l'au-delà, c'est-à-dire dans le paradis. Il n'a pas de part dans le paradis. Et le Cheikh a dit que ça, c'est la preuve que La sorcellerie, c'est des mécréances qui empêchent la personne de rentrer au paradis. Qui empêchent la personne de rentrer au paradis. خامساً قالوا تعالى ولو أن آمنوا واتقوا فهذا دليل على أن السحر ينافي الإيمان والتقوى. Cinquièmement, il a dit si jamais ils croyaient et vivaient en piété, avaient la piété. Le cheikh a dit que c'est la preuve que la sorcellerie, ça contredit la foi et la piété. C'est en contradiction avec la foi et la piété. كلها تدل على تعليم السحر وتعليمه كفر وأن من استبدله أن من استبدله فقد استبدل الكفر بالإيمان فصار كافرا وأنه ليس له نصيب في الجنة أو ليس له نصيب من الجنة وأن من تعلم السحر انتفع عنه الإيمان ولو أنهم آمنوا واتقوا دل على أن السحر ينافي الإيمان وأنه ناقض من نواقض الإسلام وهذا وجه استدلال الشيخ رحمه الله بهذه الآيات. نعم. Il a dit que ces endroits-là du verset, ça montre que le fait d'apprendre la sorcellerie et de l'enseigner, c'est de la mécréance. C'est pour ça que certains savants disent que même les livres de sorcellerie, le fait de les lire, c'est très dangereux, ça peut aller jusqu'à la mécréance. Et comme ils ont blâmé certains savants comme Ar-Razi, comme le cité Ibn Kathir dans son tafsir, Ar-Razi avait fait un livre sur la sorcellerie. Il a détaillé différents types de sorcellerie, et c'était plus de 8 types de sorcellerie. Et savants l'ont blâmé par rapport à ce livre-là. Et on dit que certains même ont dit qu'il avait pu m'y croire suite au fait qu'il avait écrit ce livre-là. Mais ils ont dit qu'il s'est repenti. Ils ont dit qu'il s'est repenti de cette chose-là, le fait d'avoir écrit ce livre-là, d'après ce qu'il a dit Ibn Kathir, et que d'autres savants aussi l'ont dit. Et les savants, ils ont détaillé ça dans leur livre. Comme il a cité Ibn Kathir dans le tafsir, le surat Baqara, il a cité différents types de sorcellerie, plus de 8 types. Qu'il a cité Fakhr Razi dans ce livre-là, qu'il a fait sur la sorcellerie. Non, bien sûr, quand le cheikh là, il dit que la sorcellerie, le sihr, c'est de la mécréance, il y a une chose à rajouter, que le cheikh n'a pas cité ici, mais que d'autres savants ont cité, comme il a cité Cheikh Othaymin dans son livre, dans Kitab Tawhid, dans sa explication de Kitab Tawhid, il a dit que quand on dit al-sihr, il y a deux choses à savoir. Il y a deux types de sahir plutôt. Le premier type, c'est celui qui fait le sihr des gens de Babil. C'est ce qui est dit dans le verset là. Dans le verset, l'œil Azrael, en parlant des anges qui étaient à Babil, c'est-à-dire à Babylone, il a dit deux anges, Harout et Marout, qui étaient à Babylone. Donc, ils ont dit que si jamais la sorcellerie que la personne elle pratique, elle fait partie de la sorcellerie des gens de Babel ou de Babylone, et qui signifie qu'elle est obligée d'adorer les djinns ou les shayatins pour arriver à ses fins. Ça, c'est de la mécréance, pas de doute. Ce sahir-là, ce sorcier-là, il est mécréant. Par contre, si c'est un musha'wiz, c'est-à-dire un charlatan, un menteur qui donne des potions aux gens, ou qui ment, ou qui trahit les gens, qui fait des arnaques aux gens, comme c'est le cas de beaucoup de marabouts, de voyants et médiums, ainsi de suite. Dans ce cas-là, ça n'a pas atteint forcément la mécréance comme les Cheikh Othaymin, mais c'est très dangereux, Et Cheikh Othaymin a dit que ça, c'est l'avis de Al-Shafi'i aussi, qu'il a dit qu'il fallait faire un détail, il faut détailler. Autrement, on rendrait mécréant beaucoup de personnes. Donc il a dit que si jamais la personne, son sihr, ça fait partie du sihr des gens de Babylone et qu'il adore les djinns, il les adore clairement. Et pour arriver à ses fins, dans ce cas-là, c'est de la mécréance et c'est un mécréant. Mais si jamais c'est du charlatanisme et du mensonge et de l'arnaque par rapport aux gens et juste de trahir, de mentir et de faire des potions comme le font beaucoup, il dit que dans ce cas-là, ça n'a pas forcément été de la mécréance, mais c'est très dangereux. Ensuite, le Cheikh Fozan, il a dit que le fait d'apprendre la sorcellerie, comme on a dit, c'est de la mécréance. Bien sûr, comme on a dit, c'est la sorcellerie des gens de Babylone, qui signifie qu'ils adorent les djinns, clairement. Et c'est pour ça, pour eux, ils adorent vraiment complètement. Et que celui qui vend ça contre la foi, eh bien, il sera mécréant. Et il n'aura pas de part dans l'au-delà, ni dans le paradis. Et que celui qui apprend la sorcellerie, eh bien, il n'a pas de foi. Comme il a dit dans le verset, si jamais ils avaient la foi et la piété. Donc ça, c'est la preuve que la sorcellerie, ça contredit la foi et que c'est un agnotif parmi les agnotifs de l'islam. C'est pour ça que le cheikh l'a pris comme dalil dans le texte. Il a dit, أو كيف تعلم الملائكة السحر وتعليم السحر كفر. نعم il a dit que on peut se poser la question et dire comment est-ce que les anges ils enseignent ces deux anges-là ils ont enseigné la sorcellerie alors que la sorcellerie le fait de l'enseigner c'est de la mécréance. Et là il y a une chose aussi à rajouter, c'est connu que il y a un hadith un tafsir qui est connu qui est cité dans beaucoup de tafsirs dans le Baqara, il s'appelle le hadith Az-Zahra que beaucoup de savants ont cité, soit disant que ces deux anges-là, la Harout et Marout, ils sont partis des anges qui ont été descendus par épreuve pour les anges. Soit disant que les anges ont dit pourquoi est-ce que les hommes sont favorisés à nous, ainsi de suite. Et qu'Allah, il leur a dit de descendre sur terre, de les mettre à l'épreuve comme il a mis à l'épreuve les anges, les hommes. Et ensuite, ils sont descendus, soit disant, ils sont tombés amoureux d'une femme et ils ont ensuite, bu de l'alcool et fait des péchés et tué, ainsi de suite, ils ont été transformés et que c'est ces anges-là qu'ils ont enseigné aux gens la sorcellerie. Ça veut dire que ce hadith est complètement faux, et complètement faux, et complètement caduque. C'est un hadith qui est faible et complètement faux et qui contredit complètement la base des gens qui ne désobéissent jamais à Allah. Ils ne désobéissent jamais à Allah. Même si certains savants ont cité ce hadith-là, comme Ibn Jarir Tabari, et ils ont dit que c'est une exception parmi les gens, ça c'est complètement faux. Ça veut dire que c'est complètement faux. Il n'y a pas de ange qui désobéisse à Allah jamais. Comme il a dit, la ya'asuna Allah ma amarahum, yaf'aluna ma yumarun. Désobéissent jamais à Allah dans ce dans quoi ils ordonnent. Et ils ne font que ce qu'il leur ordonne. Donc le hadith là, qui est connu dans cette Baqara, dans ce verset là, est complètement faux et complètement faible. Il contredit complètement la base des anges. Non, mais là, comme il est cher plutôt, c'est une épreuve par rapport aux hommes et pas par rapport aux anges. Les anges n'ont jamais été mis à l'épreuve. Il a dit, c'est ce qu'a dit Cheikh. Ça, c'est une épreuve venant d'Allah et une mise à l'épreuve pour les hommes, pas pour les anges. Pour savoir qu'est-ce qu'il va croire et qu'est-ce qu'il va mécroire, qu'est-ce qui va être mécréant. فَهَذَانِ الْمَلَكَانِ أَنْزَلَهُمَ اللَّهُ لِتَعْلِيمِ السِّحْرِ لِأَجْلِ امْتِحَانِ النَّاسِ مَنْ يُؤْمِنُ وَمَنْ يَكْفُرُ. Donc ces deux anges-là, Allah les a fait descendre, pas pour les mettre à l'épreuve à eux, mais contrairement à ceux qui répondent dans le hadith là, mais plutôt pour mettre à l'épreuve les anges, les hommes, plutôt pour mettre à l'épreuve les hommes et savoir qui est-ce qui va croire et qui est-ce qui va mécroire. ولهذا لا يعلمان أحدا من الناس حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. C'est pour ça que ils n'enseignent rien à personne jusqu'à ce qu'ils leur disent nous ne sommes rien qu'une tentation, une fitna, فلا تكفر, ne sois donc pas mécréant. فهما ينصحان المتعلم بين يترك التعليم أو تعلم السحر ويبينان أنه كفر فإنهما لا يعلمان ويسكتاني لكن ينصحاني بأنه كفر فإن أقدم علي اختياري كفر. Il a dit que les deux anges là, ils conseillaient et ils disaient à la personne de laisser l'apprentissage de la sorcellerie. Et ils expliquaient que c'est de la mécréance. Fala takfur. Et ils ne faisaient pas un enseignement en se taisant et en ne disant rien et en ne conseillant pas la personne. Au contraire, du conseiller, il dit que c'est de la mécréance. Après, si jamais la personne, elle se bornait et choisissait elle-même de l'apprendre, d'apprendre la sorcellerie, dans ce cas-là, il lui apprenait et elle devenait mécréant. Non. Est-ce qu'il y a le hadith qui est rapporté aussi par Ibn Kathir dans son tafsir, il a cité l'histoire d'une femme qui était venue après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine et qui voulait se repentir. Et elle a expliqué qu'en fait, elle faisait de la sorcellerie. Elle est venue juste après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam de quelques jours. Elle a raté le prophète sallallahu alayhi wa sallam de quelques jours après qu'il soit mort. Elle a expliqué comment est-ce qu'elle a appris la sorcellerie. Et que quand elle est partie, avec une personne parmi les sorciers ou les sorcières, elle les a ramenés dans un endroit. Ils ont vu ces anges-là et ils lui ont dit, voilà, il faut que absolument tu es dans cet endroit-là et que tu urines. Et ensuite, tu reviens. Elle est partie une fois, elle a dit, j'ai pas pu le faire. Et ils lui ont dit, nous ne sommes qu'une épreuve, une tentation, ne sois pas mécréante, reviens et retourne chez toi de là où tu viens. Et ensuite, elle a dit non, elle n'a pas voulu. Ensuite, elle est repartie une deuxième fois, une troisième fois. Et à chaque fois qu'elle revenait, elle disait, j'ai pas pu le faire. Et ils lui ont dit, ils répétaient la même chose, Nous sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécrainte. Et la dernière fois où elle est partie, elle a fait ce qu'ils lui ont dit. Elle est venue, et ils lui ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. Elle a dit, j'ai vu comme une chose qui s'est dressée au-dessus de moi qui est sortie. Elle a dit, ça c'est ta foi qui vient de sortir. C'est ta foi qui vient de sortir et tu viens de me croire. Et c'est comme ça qu'elle a appris la sorcellerie. Donc, comme l'a dit le cher, ces deux anges-là, ils apprenaient, ça c'était une épreuve par rapport aux hommes, pas par rapport aux anges, et ils conseillaient la personne, ils lui disaient de délaisser ça et de ne pas me croire, mais si la personne choisissait elle-même de le faire, et bien elle faisait et devenait mécrante. Et Allah جعل الملكين يعلمان الناس السحر من أجل امتحان الناس ليس لأجل أن السحر لا بأس به أو أنه مباح إنما من أجل أن يبين أو يتبين من يكفر من يؤمن ومن يقبل النصيحة فعرفنا من هذا أن السحر كفر تعلمه وتعليمه كفر تعلمه وتعليمه نعم كذلك que ces deux anges ont été descendus pour mettre à l'épreuve les gens, comme on a dit, les hommes. Il n'est pas parce que c'est permis ou parce qu'il n'y a pas de mal dans ça, mais c'est plutôt pour que ce soit clarifié pour les gens et pour que aussi on distingue celui qui mécroit de celui qui croit et celui qui accepte la nasiha, le conseil. Donc on sait que la sorcellerie, le sihr, comme on a dit, c'est de la mécréance, le fait de l'enseigner et le fait de l'étudier. Le fait de l'enseigner et le fait de l'étudier. Bien sûr, comme on a dit, c'est la sorcellerie des gens de Babylone ou la sorcellerie dans laquelle la personne est obligée d'adorer les djinn et shayatin pour arriver à ses fins. Ensuite, le cheikh il a dit قال الشيخ رحمه الله أبو رضي به فإذا لم يتعلمه ولم يعمله لكن رضي به وما أنكره فهذا كفر أيضا بمجرد الرضا لأن من رضي بالكفر فقد كفر والمؤمن لا يرضى بالكفر. الشيخ محمد بن الوهاب الأجيب كان في اسم زيكاد وكو celui qui accepte la sorcellerie, le sihr, même si, le cheikh Fawzan a dit que même s'il ne l'apprend pas et qu'il ne met pas en application, mais si jamais il l'accepte et qu'il l'agrée, et qu'il ne blâme pas, dans ce cas-là, il sera mécréant, c'est pareil, parce que le fait d'agréer la mécréance, c'est de la mécréance. Et le croyant ne agrée pas la mécréance. Et ça, c'est comme dans le hadith, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Laisa minna man tasahara ou tasuhira lah, ou takahana ou tukuhina lah » qui ne fait pas partie de nous, celui qui fait de la sorcellerie, ou celui pour qui on fait de la sorcellerie. C'est pareil. Que la personne elle le fasse ou pas, si jamais elle agrée, c'est très dangereux, ça peut donner créance, comme dit Cheikh. Idan fassihru kufrun. Ta'allumuhu, ta'alimuhu, wa la'amal bihi, wa rida bihi, kullu hadhihi al-umur, mimma yadullu ala, annahu yajibu inkaru al-sihr, wa man'u al-sahara, izalatuhum min al-mujtama', li'alla yanshuru الشر والفساد فيه فلهذا جاءت أحاديث بقتل الساحر قال صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف وعمل الصحابة بذلك فقتلوا السحرة ainsi on voit que la sorcellerie du sihr c'est de la mécréance et le fait de l'enseigner, de l'apprendre, de le mettre en application et de l'agréer, toutes ces choses là ça prouve qu'il est obligatoire de le blâmer et de blâmer aussi les sorciers et ceux qui ont la sorcellerie et de les empêcher de faire leur sorcellerie et le cheikh a dit aussi de les sortir de la communauté, de sortir de la communauté pour pas qu'ils propagent leur mal et leur façade, leur corruption. Il a dit qu'il y a des hadiths qui ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam disant qu'il fallait le tuer. Il y a eu un hadith sallallahu alayhi wa sallam haddu sahir que la peine du sorcier, celui qui fait sihr, la sorcellerie, c'est de le frapper d'un coup d'épée. C'est de frapper d'un coup d'épée. Et ça veut dire que celui pour lequel la peine c'est un coup d'épée, c'est que le mécréant. Toutes les peines dans lesquelles il y a un darabat mussaif, c'est que c'est de la mécréance. Il a dit وعمل الصحابة بذلك أي للكومبانيون مثال ابليكاسيون كتب عمر رضي الله عنه إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة كل ساحر وساحرة وحفصة بنت عمر أم المؤمنين أمرت بقتل جارية لها سحرتها وجندب بن كعب الصحابي قتل الساحر بحضرة أحد الأمراء بحضرة أحد أمراء بني أمية. Il m'a dit que Omar ibn Khattab, il a envoyé un message à ses différents ministres et ceux qui travaillaient pour lui de tuer tout sorcier, sorcière, homme et femme. Hafsa aussi, sa fille, qu'elle les aurait tous, elle a ordonné de tuer une servante à elle qui avait fait de sorcellerie, qui avait ensorcelé. Et Jundub ibn Ka'b aussi, le compagnon, le roi Midi, qui est connu sous son nom de Jundub ibn Khair, qu'elle a agréé, il a tué un sahir, un sorcier, en présence d'un des Omaras de Bani Umayya, pendant la dynastie des Umayyads, comme ils disent, Umayyads, et c'était en Irak, ça c'était en Irak, et c'était à l'époque de Walid ibn Uqba, Walid ibn Uqba, qui était أمير العراق. لما جاء وجد الساحر يلعب عند الأمير يخيل إلى الناس أنه يقتل شخصا ثم يحييه يقطع رأسه ثم يعيده من باب السحر التخيلي وهو لم يصنع شيئا لكنه تخيل أو تخيل على الناس فقرب منه جندب ابن كعب حتى ضربه بالسيف وقطع رأسه وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر وحفصة وجندب بن كعب. نعم كذلك جندب بن كعب لا qui s'appelle جندب بن كعب الغامدي est connu sous son nom de جندب بن خير qui est venu à l'époque de Al-Walid ibn Uqba en Irak et il a vu qu'il y avait un sahir, comme on a dit, un sorcier, ou là c'est plus de la magie, qui faisait de la magie, comme ils disent, un tour de magie, et qui trompait les gens de façon visuelle. Et il faisait croire aux gens qu'il tuait une personne, ensuite il lui redonnait la vie, ou sinon qu'il coupait la tête à une personne, ensuite il remettait sa tête en place, en guise de sorcellerie, comme on a dit, de magie, et alors qu'il n'avait rien fait. Mais, donc Jundub ibn Ka'b, il est venu, il s'est rapproché de lui et il a coupé sa tête d'un coup d'épée. Il a dit, si vraiment il est véridique, dans ce cas-là, bien, qu'il se redonne la vie à lui-même. C'est pour ça qu'Imam Ahmed il a dit que le fait qu'on doit tuer les sahir, les sorciers, c'était rapporté aux trois compagnons, Omar et sa fille, qu'elle les agrée, et Jundub ibn Ka'b aussi, qu'elle les agrée tous. Dans une autre réunion, il a dit un Salah Sahaba. Ensuite, il a dit Voilà, فيقتل على أي حال ولو كان صادقا في توبته فيما بينه وبين الله فالله جل وعلا يقبل توبته أما نحن فنتبق عليه حتى نقتله بكل حال. نعم ذلك même si le sorcier il montre qu'il s'est repenti soi-disant qu'on n'accepte pas cela de lui, mais on met en application sur lui la peine. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être sûr de ça, de son repentir, sa touba, parce que c'est un pervers, un zindiq, un hypocrite qui peut cacher la sorcellerie dans son cœur et extérioriser la tauba et le repentir. Et donc, du coup, on le tue dans n'importe quel cas, on doit appliquer sur lui la peine et le tuer, même s'il est véridique dans sa tauba. Ça, c'est entre lui et Allah, Azawajal. Allah acceptera sa tauba, mais nous, on est obligé de mettre application sur lui la peine légale. Là. زدد جي فبهذا يظهر لنا بطلان السحر وأنه كفر أكبر يخرج من الملة وردة عن الإسلام وردة عن دين الإسلام وأنه من واقع الإسلام وأن حد صاحبه القتل على كل حال لأنه يفسد المجتمعات وينشر العداوة والبغضاء والشر بين الناس ومن هذا ندرك أن ما يفعل من باب السيرك كما يسمونه أو من باب الألعاب البهلوانية البهلوانية فيأتون بالساحر في الحفلات أو في الحافلات والمنتزهات والسياحة ليعمل القمر أن هذا السحر صريح ولو سموه باسم بغير اسمه. الشيخ a dit que donc de là on voit que la sorcellerie c'est quelque chose de caduque et c'est complètement faux et que c'est d'un mécrance majeur qui fait sortir de l'islam et de l'apostasie par rapport à l'islam. Et que c'est un annulatif parmi les annulatifs de l'islam et que celui qui la met en pratique, ça peine, c'est qu'il soit exécuté dans n'importe quel cas. Parce qu'il sème la corruption dans les communautés et il propage l'animosité et la haine entre les gens et le mal entre les gens. Et il a dit aussi que on voit de cela que ce que les gens font en tant que cirque, comme les chers, le cirque, et c'est le cirque qu'ils disent en français, le cirque, ou les jeux de gymnastique acrobatique, il a dit que ça rentre dans le sihr, c'est de la magie, comme il a dit, le fait qu'il ramène des gens dans les événements, dans les fêtes, ou dans des endroits de tourisme, pour que ils font des jeux de cirque, ainsi de suite, que ça, c'est de la sorcellerie pure et dure, et même si c'est nommé par un autre nom, نعم نجيب ونعلم بهذا أيضا أنه لا يجوز إقرار السحر في المجتمع الإسلامي بأي شكل. Et de même que on sait qu'il n'est pas permis de agréer et d'accepter la sorcellerie dans la communauté musulmane dans n'importe quel type, يمكن أن يقال إنهم يعالجون الأمراض فيسمونه الطب الشعبي أو وهو السحر الطب الشعبي وهو السحر. Il a dit que c'est possible que certaines personnes disent que soi-disant ils guérissent les malades et ils appellent ça comme de la médecine communautaire, si on peut dire ça comme ça. Le cheikh a dit que c'est pas le cas, c'est de la sorcellerie, c'est de la sorcellerie. Donc le fait de l'appeler par un autre nom, ça change rien à son jugement. Ou ya'touna bihi bismi ar-ruqiyya aw ruqya fayarqawna wa hum sahara wa juhalun يسمونهم المشايخ وهم سحرة والعوام يعتقدون أنهم أطباء ومشايخ. De même qu'ils peuvent dire que soi-disant c'est une rukia, comme beaucoup ils disent que soi-disant ils font que des rukia et que ceux qui font ça ce sont des médecins, des guérisseurs, mais ils appellent même mashayikh, qui sont des chouyoukh, et qu'en réalité ce sont des sahara, des sorciers, et que les gens croient que ce sont des guérisseurs, des médecins ou des mashayikh. وكذلك لا يجوز استعمال السحر باسم الألعاب البهلوانية أو السيرك أو ما شبه ذلك كالذي يجر السيارة بشعره أو أنه تمشي عليه السيارة ولا تضره أو يطعن عينه بالأسياخ من الحديد ولا تضره أو يطعن نفسه بالسكين أو يأكل النار أمام الناس فهذا كله كذب وكله من السحر التخيلي فلا يجوز عمله ولا الرضا به ولا جلب أصحابه ليعملوها أمام المسلمين لأنه منكر ظاهر يجب إنكاره والقضاء عليه تطهير بلاد المسلمين منه. نعم il a dit que de même qu'il soit permis de comme il a dit de faire de la sorcellerie en disons que soi-disant c'est des gymnastiques acrobatiques ou du cirque, comme il dit Cheikh, le cirque qui est connu, qu'ils font avec les lions, avec des personnes, ainsi de suite. Il a dit, comme ceux, soi-disant, qui font marcher des voitures sur leurs cheveux, ou sinon qui ils font marcher des voitures sur eux-mêmes, que ça ne leur fait pas de mal, ou sinon qui se percent l'œil avec du fer ou autre, ou sinon qui se percent eux-mêmes avec des couteaux, ou sinon qu'ils avalent le feu devant les gens. Tout ça, il a dit que c'est du mensonge et c'est de la sorcellerie, de la magie, comme on a dit, tahili, illusoire. Il n'est pas permis de le faire, ni de l'accepter, ni d'inviter les gens pour qu'ils font ça devant les musulmans. Et que c'est un mal, quelque chose qui doit être blâmé et qu'on doit empêcher et arrêter et qu'on doit écarter des pays des musulmans. Non. Ensuite, il dit Mas'ala fi hukm hal al-sihr an al-mas'hur. لا شك أن السحر إصابة ومرض يحتاج إلى علاج والله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزله شفاء فبماذا نعالج المسحور نعالج بالرقية الشرعية والنبي صلى الله عليه وسلم عولج بالرقية ورقاه جبريل بسورة الفلق فيرقى المريض أو فيرقى المريض بالقرآن والأدعية والأدوية الشرعية هذا لا بأس به لأنه حل السحر عن المسحور بما شرعه الله جل وعلا وأنه سبحانه ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء. Il dit que là le cheikh il parle d'une mas'ala qui est faite de enlever le sihr de celui qui est ensorcelé, désorceler celui qui est ensorcelé, le samedi comme ça, c'est-à-dire enlever le sihr, la sorcellerie de celui qui a été touché par la sorcellerie. Il n'y a pas de doute que la sorcellerie, c'est une maladie qui touche la personne, donc ça nécessite qu'on lui trouve un guérissement et un remède. Et que Allah Azzawajal n'a pas fait descendre de maladie sans en descendre aussi un remède et une guérison. Mais comment est-ce qu'on doit guérir ça et y remédier? D'ailleurs, on y remédie, on le guérit par la ruqya qui est légiférée, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été ensorcelé, il a été guéri et remédié par la ruqya. Jibril alayhi wa sallam, il a fait la ruqya avec surat Falaq. Donc le musulman, quand il est touché par ça, il doit être guéri par le biais du Coran et par les invocations qui sont légiférées et les médicaments qui sont permis. Ça n'a pas de mal dans ça, parce que c'est le fait d'enlever la sorcellerie de ce qui a été touché par la sorcellerie, par une chose qu'Allah a légiférée, Azzawajal, et que, comme il a dit, qu'il n'a pas fait descendre de maladie, Allah n'a pas fait descendre de maladie, Azzawajal, sans en faire descendre aussi un remède et une guérison. أما حل السحر بالسحر مثله فلا يجوز وهو علاج بما حرم الله بل علاج بالكفر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فداووا ولا تداووا بحرام والسحر من أعظم المحرمات فكيف نعالج به المسحور ويقول عبد الله بن مسعود إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. Il dit que par contre, le fait de guérir la sorcellerie par de la sorcellerie équivalente, pareil, ça, c'est pas permis. C'est ce qu'on appelle la nushra. Et il a dit que c'est une guérison par ce qui a été interdit, ce qui a été rendu haram par Allah Azzawajal. Et même on peut dire que c'est de la guérison par de la mécréance. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, de chercher des remèdes, mais ne pas se guérir ou de ne pas utiliser de remèdes avec ceux qu'Allah nous a interdits. Nous a rendu haram. Et que le sihr, la sorcellerie, ça fait partie des choses les plus interdites, les choses les pires, les plus interdites. Donc comment est-ce qu'on peut guérir celui qui a été touché par la sorcellerie par cela? Et Abdullah ibn Mas'ud, il a dit qu'il a l'agré que Allah Azzawajal n'a pas mis notre guérison dans ce qui nous a interdit, dans ce qui nous a interdit. Et au sihr, min ashad al-muharramat, fala yajuzu an nu'alija bihi al-mas'hul. Innama nu'alija al-mas'hul bima nu'alija bihi sa'ira al-amrad. من الرقية بالقرآن والرقية بالأدعية والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة. نعم dit que le sihr, c'est partie des choses les plus interdites, les pires, les plus interdites. Donc c'est pas permis de utiliser la sorcellerie pour enlever la sorcellerie à une personne qui a été ensorcelée, mais plutôt on le guérit avec ce avec quoi on guérit les autres maladies, comme la ruqya, le Coran, ou avec les invocations légiférées de la sunna, ou avec les ta'awudhat dans le Coran et dans la sunna, ou avec des médicaments qui sont permis tout court. Et il dit فَهَذَا الَّذِي نُعَلِجُ بِهِ الْمَسْحُورِ وَمَا يُقَالُ خِلَافُ ذَلِكَ مِنْ جَوَازِ حَلِّ السِّحْرِ بِالسِّحْرِ مِثْلِهِ فَهُوَ قَوْلٌ مَرْدُودٌ وَبَاطِلٌ فَلَا يَجُوزُ الْأَخْذُ بِهِ لِأَنَّهُ يُخَالِفُ الْأَدِلَّةَ الشَّرَعِيَّةَ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب تنقية المجتمعات المسلمة تنقية المجتمعات المسلمة من السحرة وأعمالهم ولا يقروا في البلد بين الناس ينشرون السحر بين الناس والواجب محاربتهم والقضاء عليهم ومن عرف أنه يعمل السحر ومن عرف أنه يعمل السحر فإنه يقدم إلى المحكمة فإنه يقدم إلى المحكمة لينال جزاءه الشرعي حتى يستريح منه العبادة حتى يستريح منه العباد والبلاد ولا نفتح لهم المجال ونستقدمهم أو ندافع عنهم أو نقول اتركوهم يعالجون الناس فهم يجلبون السحر وبذلك نزيد الشر شرا ونزيد السحر سحرا. نعم. Il a dit que c'est pas permis de guérir la sorcellerie avec la sorcellerie, comme il a dit avant, et que même si il y a une parole qui dit que c'est permis de guérir la sorcellerie avec la sorcellerie qui est équivalente, il dit que ça c'est une parole qui est caduque et qui est fausse, qui est une parole qui est caduque, qui est fausse, qui ne s'est pas permis de la prendre, cette parole-là, parce qu'elle contredit les preuves du Coran et de la Sunna. Ce qui est obligatoire, c'est de purifier les communautés musulmanes des sorciers et de leurs actions, et qu'on ne les agrée pas dans les pays, dans les différentes villes, entre les gens, pour qu'ils propagent le mal et la sorcellerie entre les gens. Et que ce qui est obligatoire, c'est de les combattre et de les anéantir. Et que celui qui est connu en étant une personne qui pratique la sorcellerie, on doit le ramener aux juges et aux tribunaux musulmans pour qu'ils mettent en application sur lui ce qui lui est convenable et sa récompense qui est légiférée, de sorte à ce que les gens soient débarrassés, se reposent par rapport à ces mots, à ces dangers. Et de même qu'on ne doit pas leur ouvrir d'endroit, ni leur donner de place, ni défendre leur cause, ni les défendre tout court en disant de les laisser parce qu'ils graissent les gens ou qu'ils leur trouvent des remèdes. Et qu'en vrai, au contraire, ils ramènent la sorcellerie dans les pays, dans les différents endroits, et qu'il rajoute le mal en mal et il rajoute la sorcellerie en sorcellerie. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Hala wa Allah a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.